Chapitre 11. Où Blanche et Fine se trouvent face à face. Blanche, cachée au fond de la tribune, avait assisté à la condamnation de Philippe. Elle était là par ordre de son oncle, qui voulait achever de tuer cette andresse en lui montrant son amant entre deux gendarmes, ainsi qu'un voleur. Une vieille parente s'était chargée de la conduire à ce spectacle édifiant. Comme les deux femmes attendaient leur voiture sur les marches du palais, la foule qui se précipitait les sépara brusquement. Blanche, entraînée au milieu de la place des prêcheurs, fut reconnue par les femmes de la halle qui se mirent à la huer et à l'insulter. « c'est elle !» criaient les femmes. « La renégate, la renégate !» La pauvre enfant, éperdue, ne sachant où fuir, se mourait de honte et de peur lorsqu'une jeune fille écarta puissamment le groupe hurlant qui l'entourait et vint se placer à côté d'elle. C'était Fine. La bouquetière, elle aussi, venait d'assister à la condamnation de Philippe. Pendant près de 3 heures, elle avait passé par toutes les angoisses de l'espoir et de la crainte. Le réquisitoire du procureur du roi l'avait accablée, et elle s'était mise à pleurer en entendant prononcer le jugement. Elle sortait du palais, irritée, dans une surexcitation terrible, lorsqu'elle entendit les huées des femmes de la halle. Elle comprit que Blanche était là et qu'elle allait pouvoir se venger en l'injuriant. Elle accourut, les poings fermés, l'insulte à la bouche. Selon elle, la jeune fille était la grande coupable. Elle avait menti, elle avait commis un parjure et une lâcheté. À ses pensées, tout le sang plébéien de Fine lui monta à la face, la poussa à crier et à frapper. Elle se précipita. Elle écarta la foule pour prendre sa part de vengeance. Mais lorsqu'elle fut devant Blanche, lorsqu'elle la vit pliée par l'effroi, cette enfant frissonnante et faible lui fit pitié. Elle la trouva toute petite, toute mignonne, d'une fragilité si délicate qu'il lui vint au cœur une pensée généreuse de pardon. Elle repoussa d'un geste violent les femmes qui montraient le poing à la demoiselle et se cambrant d'une voix haute. « Eh bien » cria-t-elle, « n'avez-vous pas honte? Elle est seule et vous êtes sans contre elle. Dieu n'a pas besoin de vos cris pour la punir. Laissez-nous passer. » Elle avait pris la main de Blanche et se tenait droite devant la foule qui murmurait, qui se serrait davantage pour ne pas livrer passage aux deux jeunes filles. Fine attendait, les lèvres pâles et tremblantes. Et comme elle rassurait la demoiselle du regard, elle s'aperçut qu'elle allait être mère. Elle devint toute blanche. Elle marcha vers les femmes. « Laissez-moi passer, » reprit-elle avec plus d'éclat. « Vous ne voyez donc pas que la pauvre fille est enceinte et que vous allez tuer son enfant ?» Elle repoussa une grosse commère qui ricanait. Les autres femmes s'écartèrent. Les paroles de Fine les avaient subitement rendues silencieuses et compatissantes. Toutes deux purent alors s'éloigner. Blanche, rouge de honte, se serrait avec peur contre sa compagne et hâtait fiévreusement sa marche. La bouquetière, pour éviter la rue du Pont-Moreau, alors pleine de monde et de tapage, prit la petite rue Saint-Jean. Arrivée sur le cours, elle conduisit Mademoiselle de Casalis à son hôtel, dont la porte se trouvait ouverte. Pendant le trajet, elle n'avait pas prononcé une parole. Blanche la força à entrer dans le vestibule, et là, poussant la porte à demi, « Oh, mademoiselle, » dit-elle d'une voix émue, « que je vous remercie d'être venue à mon secours. Ces méchantes femmes allaient me tuer. » « Ne me remerciez pas, » répondit Fine avec brusquerie. « J'étais venue comme les autres pour vous insulter, pour vous battre. »« Vous ?»« Oui, je vous hais. Je voudrais que vous fussiez morte au berceau. » Blanche regardait la bouquetière avec étonnement. Elle s'était redressée, ses instincts aristocratiques se révoltaient maintenant, et ses lèvres se plissaient légèrement de dédain. Les deux jeunes filles se trouvaient face à face, l'une avec toute sa grâce frêle, l'autre sa beauté énergique. Elles se contemplaient, silencieuses, sentant gronder en elles la rivalité de leur race et de leur cœur. « Vous êtes belle, vous êtes riche, » reprit Fine avec amertume. « Pourquoi êtes-vous venue me voler mon amant, puisque vous ne pouviez avoir plus tard pour lui que du mépris et de la colère ? Il fallait chercher dans votre monde. Vous auriez trouvé un garçon aussi pâle et aussi lâche que vous, qui aurait contenté vos amours de petite fille. Voyez-vous, ne prenez pas nos hommes, ou nous déchirerons vos visages roses. » « Je ne vous comprends pas, » balbutia Blanche que la peur reprenait. « Vous ne comprenez pas ? Écoutez, j'aimais Philippe. Il venait m'acheter des roses le matin, et mon cœur battait à se rompre lorsque je lui remettais mes bouquets. Je sais à présent où allaient ses fleurs. On m'a dit un jour qu'il s'était enfui avec vous. J'ai pleuré, puis j'ai pensé que vous l'aimeriez bien et qu'il serait heureux. Et voilà que vous le faites mettre en prison. Tenez, ne parlons pas de cela, je me fâcherai et je vous frapperai. » Elle s'arrêta, haletante, puis continua, s'approchant, brûlant de son haleine ardente les joues glacées de Blanche. « Vous ne savez donc pas comment nous aimons, nous, les pauvres filles. Nous aimons de tout notre corps, de tout notre courage. Lorsque nous nous sauvons avec un homme, nous ne venons pas dire ensuite qu'il a profité de notre faiblesse. Nous le serrons avec force dans nos bras pour le défendre. Ah, si Philippe m'avait aimée ! Mais je suis une malheureuse, une pauvresse, une laide. » Et Fine se mit à sangloter, aussi faible que Mademoiselle de Casalis. Celle-ci lui prit la main et la voix coupée de larmes. « Par pitié, » dit-elle, « ne m'accusez pas. Voulez-vous être mon amie ? Voulez-vous que je mette mon cœur à nu devant vous ? Je souffre tant, si vous saviez. Moi, je ne puis rien, j'obéis à mon oncle qui me brise dans ses mains de fer. Je suis lâche, je le sais, mais je n'ai pas la force de n'être point lâche. Et j'aime Philippe, je le trouve toujours en moi. Il me l'a bien dit, ton châtiment, si jamais tu me trahis, sera de m'aimer éternellement, de me garder sans cesse dans ta poitrine. Il est là, il me brûle, il me tuera. Tout à l'heure, quand on l'a condamné, j'ai senti en moi quelque chose qui m'a fait tressaillir et qui m'a déchiré les entrailles. Je pleure, voyez, je vous demande grâce. » Toute la colère de Fine était tombée. Elle soutint Blanche qui chancelait. « Vous avez raison, » continua la pauvre enfant. « Je ne mérite pas de pitié. J'ai frappé celui que j'aime et qui ne m'aimera jamais plus. Ah, par grâce, s'il devient un jour votre mari, dites-lui mes larmes et demandez-lui mon pardon. Ce qui me rend folle, c'est que je ne puis lui faire savoir que je l'adore. Il rirait, il ne comprendrait pas toute ma lâcheté. Non, ne lui parlez pas de moi, qu'il m'oublie, cela vaut mieux. Je serai seule à pleurer. » Il y eut un douloureux silence. « Et votre enfant ?» demanda Fine. « Mon enfant ?» dit Blanche, avec égarement. « Je ne sais. Mon oncle me le prendra. Voulez-vous que je lui serve de mère ?» La bouquetière prononça ces mots d'une voix tendre et grave. Mademoiselle de Casalis la serra dans ses bras, dans une étreinte passionnée. « Oh, vous êtes bonne, vous savez aimer. Tâchez de me voir à Marseille. Quand l'heure sera venue, je me confierai à vous. » En ce moment, la vieille parente rentrait, après avoir en vain cherché Blanche dans la foule. Fine se retira lestement et remonta le cours. Comme elle arrivait à la place des Carmélites, elle aperçut de loin Marius qui causait avec l'avocat de Philippe. Le jeune homme était désespéré. Jamais il n'aurait cru qu'on pût condamner son frère à une peine si sévère. Les 5 années de prison l'épouvantaient. Mais il était peut-être encore plus douloureusement accablé par la pensée de l'exposition publique sur une place de Marseille. Il reconnaissait la main du député dans ce châtiment. Monsieur de Casalis avait surtout voulu flétrir Philippe, le rendre à jamais indigne de l'amour d'une femme. Autour de Marius, la foule criait à l'injustice. Il n'y avait qu'une voix dans le public pour protester contre l'énormité de la peine. Et comme le jeune homme se récriait avec l'avocat, s'irritait et se désespérait, une main douce se posa sur son bras. Il se retourna vivement et aperçut Fine à son côté, calme et souriante. Espérez et suivez-moi, lui dit-elle à voix basse. Votre frère est sauvé.